L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Chapitre 14. Du culte extérieur. Entretiens dans ton cœur le souvenir de Dieu. Prie-le avec crainte, avec humilité, et sans l'ostentation des paroles. 7, 204. Célèbre les louanges de ton Dieu, adore sa majesté suprême. Sers le Seigneur jusqu'à l'instant qui terminera tes jours, 15, 99. Exalte le nom de Dieu, la vérité par excellence, 20, 113. Fais la prière, elle écarte de l'impureté et de l'injustice. Le souvenir de Dieu est le premier des biens, 29, 44. Publie la gloire du Très-Haut avant le coucher et le lever du soleil, pendant la nuit et aux extrémités du jour, afin que ton cœur soit content de lui-même. 20, 130. Tourne ton front en priant vers le temple antique qu'Abraham, aidé d'Ismaël, consacra au Seigneur. En quelque lieu que tu sois, porte tes regards vers ce sanctuaire auguste. 2, 139. Aux croyants, ayez toujours présente la pensée de Dieu, il est plein de bonté pour vous, 33, 41, 42. Accomplissez exactement la prière, surtout celle du midi, 2, 236. Avant de la commencer, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux talons. 5, 9. Ô enfant d'Adam, prenez vos plus beaux habits quand vous allez au temple. 7, 29. Priez Dieu avec crainte et espérance, sa miséricorde est proche des bienfaisants. 7, 54. Invoquez le Seigneur en public et en secret, mais évitez l'ostentation. Il est les superbes, 7, 53. Faites l'aumône en secret et en public des biens que nous vous avons départis, avant le jour où l'on ne pourra plus acquérir, et où les liens de l'amitié seront rompus, 14, 37. Note. Afin de prévenir les prétextes que l'avarice trouve toujours pour refuser de soulager le malheur, la religion musulmane a sagement déterminé ce que chacun doit donner aux pauvres. Les règles de la théologie musulmane sur l'aumône obligatoire, nommée dîm, entrent dans les détails les plus minutieux. Fin de la note. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran est descendu du ciel, pour être le guide, la lumière des hommes et la règle de leurs devoirs, est le temps destiné à l'abstinence. Quiconque verra ce mois doit observer le précepte. Celui qui sera malade ou en voyage jeûnera dans la suite un nombre pareil de jours, 2, 181. Ceux qui, pouvant supporter l'abstinence, la romperont, auront pour peine expiatoire la nourriture d'un pauvre, 2, 180. Le premier temple consacré à Dieu est celui de la Mecque, temple béni, séjour où brille la vraie lumière. Ce lieu saint est fécond en merveilles. C'est là qu'Abraham s'arrêta, il est devenu l'asile inviolable des peuples, tous les hommes qui peuvent en faire le pèlerinage doivent y venir rendre hommage à l'Éternel, 3, 89, 90. Accomplissez le pèlerinage de la Mecque et la visite du temple en l'honneur de Dieu. Si vous en êtes empêché, offrez au moins un léger présent. 2, 191. Aux croyants, le vin, les jeux de hasard, les idoles, sont une abomination inventée par Satan. Abstenez-vous-en, de peur que vous ne deveniez pervers. Le démon se servirait du vin et du jeu pour allumer parmi vous le feu des dissensions, et vous détourner du souvenir de Dieu et de la prière. Voudriez-vous devenir prévaricateur? 5, 93, 94. Les animaux morts, le sang, la chair du porc, les animaux suffoqués, assommés, tués par quelque chute ou d'un coup de corne, ceux qui sont devenus la proie d'une bête féroce, ceux qu'on a immolés aux autels des idoles, et sur lesquels on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, tout cela vous est défendu. 5, 4. Celui qui, pressé par la nécessité, et non par le désir de se satisfaire, aurait transgressé la loi, n'aura point à subir de peine expiatoire, parce que le Seigneur est indulgent et miséricordieux. 2, 168. Les croyants trouveront nos préceptes faciles. 18, 87. Ceux qui font pénitence, qui servent le Seigneur, qui le louent, le prient, l'adorent, qui jeûnent, qui commandent la justice, qui empêchent le crime et gardent les commandements divins, seront heureux. 9, 114. Chapitre 15. Des devoirs sociaux. Ne mettez point votre semblable à mort, excepté en justice. Le Seigneur vous en fait la défense expresse. 6, 152. Ne vous donnez point la mort à vous-même. L'impie qui violera ses commandements sera jeté dans les flammes. 4, 33, 34. Évitez le crime en public et en secret. 6, 152. Évitez la débauche, c'est un crime et le chemin de l'enfer. 17, 34. Remplissez le boisseau, pesez avec justice, ne touchez point au bien d'autrui, et ne répandez pas la corruption sur la terre. 11, 85. Remplissez la mesure, et n'en retranchez rien, pesez avec une balance juste, ne trompez point vos semblables. 26, 176. Malheur à ceux qui pèsent à faux poids, qui, en achetant, exigent une mesure pleine, et qui, quand ils vendent, trompent sur la mesure ou sur le poids. 83, 1 à 3. Ne reste pas assis sans gloire et sans vertu. 17, 25. Le Seigneur ne laisse point périr la récompense de ceux qui font le bien. 9, 123. Dieu te prescrit la bienfaisance pour les auteurs de tes jours, soit que l'un d'eux ait atteint la vieillesse, ou qu'ils y soient parvenus tous les deux. Garde-toi de leur marquer du mépris ou de les reprendre, ne leur parle qu'avec respect, sois pour eux tendre et soumis, et adresse au ciel cette prière. Seigneur, fais éclater ta miséricorde pour ceux qui m'ont nourri dans mon enfance. 17, 24, 25. Dieu défend le crime, l'injustice et la calomnie. 16, 92. Rends à tes proches ce que tu leur dois. Fais l'aumône aux pauvres, aux voyageurs, et ne dissipe point follement tes richesses. 17, 28. Ne fais point de violence à l'orphelin. Ne réprimande point le malheureux qui demande. 93, 9, 10. Suis la justice qui t'a été recommandée. 11, 113. Soyez bienfaisants envers vos proches, les orphelins et les pauvres, ayez de l'humanité pour tous les hommes. 2, 77. Qui contournera sa face vers le Seigneur, et exercera la bienfaisance, aura sa récompense près de lui, et sera exempt de la crainte et des tourments. 2, 106. Tout le bien que vous ferez sera connu de Dieu. 4, 126. La reconnaissance est agréable à ses yeux. 39, 9. Les ingrats ne prospéreront point. 12, 23. Malheur aux hypocrites. Il prie avec négligence, et seulement par ostentation. Il refuse de tendre à leur semblable une main secourable. 107, 5 à 7. Nous avons partagé les biens de la terre, nous avons établi les rangs qui distinguent les hommes, qui les élèvent, les abaissent, qui donnent à l'un la supériorité, et prescrivent à l'autre l'obéissance. 43, 31. Aux croyants, faites l'aumône des biens que vous avez acquis et des productions que nous faisons sortir de la terre, ne choisissez pas ce que vous avez de plus mauvais pour le donner. N'offrez point ce que vous ne voudriez pas recevoir. 2, 268, 269. Faites l'aumône le jour, la nuit, en secret, en public. Vous en recevrez le prix des mains de l'Éternel, et vous serez à l'abri des frayeurs et des tourments. 2, 274. Celui qui exerce cette vertu par ostentation, et qui ne croit pas en Dieu et au jour dernier, est semblable au rocher recouvert d'une légère couche de terre. Une pluie abondante survient et ne laisse que sa dureté. Ses actions n'auront aucun mérite aux yeux de l'Éternel, parce qu'il ne dirige point les infidèles. 2, 265. On peut manifester ses bonnes œuvres, mais il est mieux de les cacher. Le Très-Haut est le témoin des actions. 2, 272. Que le riche proportionne ses largesses à son opulence, et le pauvre à ses facultés. Dieu n'oblige personne à faire plus qu'il ne peut. À la pauvreté, il fera succéder l'aisance. 65, 7. Annonce le bonheur à ceux qui exercent la bienfaisance. 22, 38. Aux croyants, soulagez les malheureux des biens que nous vous avons départis, avant le jour où l'on ne pourra plus acquérir, où il n'y aura plus d'amitié. Plus d'intercession. 2, 254. Donnez votre superflu. 2, 216. Le bien que vous ferez, vous le trouverez auprès de Dieu. 2, 104. Dieu est avec les bienfaisants. 29, 69. Ne donnez point à dessein de recevoir davantage. 74, 6. Que l'avare ne regarde pas les biens qu'il reçoit comme une faveur, puisqu'ils causeront son malheur. 3, 174. Aux croyants, ne multipliez pas votre fortune par l'usure. 2, 124. L'usure par laquelle l'homme veut augmenter ses richesses ne produira rien auprès de Dieu. L'aumône que vous faites dans l'espoir de mériter sa présence multipliera au centuple. 30, 38. Donnez aux orphelins ce qui leur appartient. Ne consumez pas leur héritage pour grossir le vôtre. Cette action est un crime. 4, 2. Faites fructifier l'héritage de l'orphelin. 2, 217. Ceux qui le dévorent injustement se nourrissent d'un feu qui consumera leurs entrailles. 4, 44. Ne portez point des regards avides sur les biens d'autrui. 20, 131. Ne faites pas présider la fraude à vos engagements, parce qu'une partie des contractants est plus puissante que l'autre. 16, 94. Il est des Juifs à qui tu peux confier un trésor, il te sera fidèlement rendu. Il est tant d'autres des mains desquelles tu n'arracherais qu'avec peine un denier que tu leur aurais prêté. La loi ne nous ordonne pas, disent-ils, d'être justes avec les infidèles. Ils mentent à la face du ciel, et ils le savent. 3, 68, 69. L'homme généreux qui pardonne a sa récompense assurée auprès de Dieu, qui a la violence. 42, 38. Défendez-vous contre ceux qui vous attaqueront, Mais n'entreprenez pas la guerre les premiers. Dieu déteste les agresseurs. 2, 186. Ô croyants, que l'équité règle vos témoignages, dussiez-vous prononcer contre vous-même, contre un père, un parent, un riche ou un pauvre. Que la passion ne vous écarte jamais de la vérité, qu'elle ne vous fasse pas refuser votre témoignage. 4, 134. Ô croyants, ne vous moquez point de vos frères. Souvent celui qui est l'objet de vos railleries est plus estimable que vous. Et vous, femmes, évitez ce défaut. Celles qu'attaquent vos médisances peuvent valoir mieux que vous. Ne vous diffamez pas mutuellement. Ne vous donnez point de nom vil. Un terme de mépris ne convient point à celui qui a la foi. Ceux qui ne se corrigent pas de ces vices sont prévaricateurs. Ô croyants, soyez circonspects dans vos jugements. Souvent ils sont injustes. Mettez des bornes à votre curiosité. Ne déchirez point la réputation des absents. 49, 11, 12. Ne détourne point orgueilleusement tes regards des hommes. Ne marche point avec faste sur la terre. Sois modeste dans ta conduite, 31, 17, 18. Les vrais croyants ne se livrent point à l'orgueil, 32, 15. Le Tout-Puissant est l'homme dur et altier, 4, 40. Dieu n'aime point qu'on publie le mal, à moins qu'on ne soit la victime de l'oppression, 4, 147. Celui qui rejette les fautes ou l'injustice dont il est coupable sur un innocent est calomniateur et se charge d'un crime infâme. 4, 112. Si votre débiteur a de la peine à vous payer, donnez-lui du temps, ou si vous voulez mieux faire, remettez-lui sa dette. 2, 279. L'humanité, dans les paroles et les actions, est préférable à l'aumône qui suit l'injustice, 2, 265. Ne dissipez point vos richesses inutilement, ne les offrez point aux juges, pour ravir injustement l'héritage de vos frères, 2, 184. Que ceux que l'indigence éloigne du mariage vivent dans la continence jusqu'à ce que le ciel leur ait donné des richesses, 24, 33. Les mères allaiteront leurs enfants 2 ans complets, s'ils veulent téter pendant ce temps, 2, 252. Les animaux vous offrent des exemples propres à vous instruire, 16, 68. Commande aux fidèles de contenir la licence de leur regard et d'être chastes, 24, 30. Ordonne aux femmes de baisser les yeux, de conserver leur pureté, et de ne montrer de leur corps que ce qui doit paraître. Qu'elles aient le sein couvert, 24, 31. Souffre patiemment les maux qui t'arrivent, ils sont une suite des décrets éternels, 31, 16. Que l'infortune ne vous abatte point, que la prospérité ne vous enivre pas. Dieu est le superbe et le glorieux, 57, 23. Markend Anarchivorg 2021 d'après Gallica BNFFR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.